Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix les opprimés. Bonsoir à mes auditeurs panafricains, bonsoir à la diaspora africaine, notamment celle du Togo. Votre émission Fenêtre sur l'Afrique vous accueille également sur nos radios partenaires. Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté, Radio Deniguan. Bien, depuis plus de deux mois, le peuple togolais manifeste et réclame le retour à la constitution de 1992 ou le départ pur et simple de Fornia Singbe. Mardi, mercredi et jeudi dernier, ils étaient des milliers dans les rues à Lomé, à Nekho, à Fanyan, Palimé, Vogan, répondant ainsi à l'appel de la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Mais à Sokoudé, à mes auditeurs et à Bafilo, deux villes du Nord, la foule a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. S'en sont suivies également des répressions ayant engendré des blessés. Pourquoi disperser les manifestations dans ces deux villes du Nord alors que le gouvernement togolais levait il y a quelques jours l'interdiction de manifester en semaine? Pourquoi tant de répressions lors des manifestations dans les villes du Nord au Togo? Comment expliquer l'état de siège avec une forte présence de militaires à Sokoudé, à Bafilo? Eh bien, mes auditeurs, ce sont les grandes lignes qui meubleront nos discussions avec nos invités en ligne depuis Paris et aux États-Unis. Merci de nous être fidèles. Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Depuis quelques jours, trois membres du mouvement citoyen Mbweke Kopis en prison de Lomé. Associations de malfaiteurs, vandalisme sont entre autres chefs d'inculpation énoncés par le procureur de la République. Le mouvement citoyen Mbweke, créé il y a environ deux ans, est-il vraiment une association de malfaiteurs? Quels sont les objectifs de ce mouvement citoyen? Nous en parlons tout de suite avec notre invité Kofi Nyanzozon, juriste et membre du mouvement Mbweke Diaspora. Il est également membre du mouvement Groupe Fenêtre sur l'Afrique. Kofi Nyanzozon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Comment allez-vous? Je vais bien et j'espère que tel est le cas également des auditeurs de la radio de résistance à Avolété et donc par extension de tous les Togolaises et Togolais. D'accord, vous êtes également sur Radio Canal K, une émission très écoutée, Fenêtre sur l'Afrique très écoutée et dans la diaspora africaine et dans la diaspora togolaise. Et bien justement, Kofi Nyanzozon, je vous présentais comme membre du mouvement Citoyen Mbweke. Alors, quels sont d'abord les objectifs du mouvement Citoyen Mbweke créé il y a deux ans? Alors, par rapport au mouvement Mbweke, il faut savoir que c'est une association donc régulièrement donc enregistrée auprès des services ou de l'administration territoriale togolaise et qui se fixe comme objectif de sensibiliser les citoyens togolaises et togolais sur le contrôle, par exemple, de la gestion des affaires de la cité. Également Lubrique se fixe pour objectif de sensibiliser sur les droits et devoirs des citoyens contenus, par exemple, dans la Constitution, dans ce qui permet aux uns aux autres de savoir à quel moment est-ce que leurs droits sont violés. En clair, Lubrique s'assigne pour objectif d'éveiller les consciences. D'accord. Éveiller les consciences des Togolais. Alors, Koffi Nianozon, quel est votre regard sur les chefs d'inculpation énoncés par le procureur contre les membres du mouvement Nubuké arbitrairement détenus? Il y a le vice-président et Joseph Eza, très connu de la diaspora. Alors, sur les 10 chefs d'inculpation, il tient lieu tout de suite de rappeler que M. Joseph Eza, M. Atou Yao et M. Kokoroko Messent étaient donc dans les bureaux du procureur en train d'attendre qu'ils se soient entendus avant que le communiqué ne soit lu à la télévision. Et donc, pour dire que cela dénote déjà l'intention de phagocyter, c'est-à-dire de monter de toutes pièces des charges contre nos camarades arbitrairement détenus. Et plus loin, il faut noter que M. Kokoroko, par exemple, a été enlevé à son domicile dans la nuit du 18 au 19 octobre. Donc, déjà là, il y a un caractère arbitraire, puisque aucun juge n'a délivré une autorisation pour qu'on puisse venir fracasser la porte de M. Kokoroko et l'enlever pour, après, le soumettre à des tortures, à des sévices corporels, pour lui extorquer des aveux. Et ce sont ces aveux-là, aujourd'hui, qu'on essaie d'ourdir pour nous dire qu'il y a des chefs d'inculpation, une association de malfaiteurs. Or, de loin, de près, Mbouké n'a jamais été, par exemple, une association violente. Bien au contraire, cette association Mbouké, ou ce mouvement, s'est toujours illustrée par la bienfaisance autour d'elle. Par exemple, lors des manifs, nous avons eu ou nous avons toujours à approvisionner en eau les forces de l'ordre ainsi que les manifestants. Tout à Donc, en fait. somme, ces chefs d'inculpation-là, non seulement n'ont aucun fondement, mais au surplus paraissent des charges montées de toutes pièces pour ternir et faire taire justement cet éveil de conscience que fait aussi bien Mbeke que d'autres organisations. Nous avons quand même on a retrouvé quelques engins que le procureur dénonce comme des engins de guerre ou bien de vandalisme. On l'a retrouvé chez un des membres de mouvement Nweke. Alors, Monsieur Sylvain Amos, il y a, à mon sens, une différence entre retrouver et montrer. Il me semble, sauf erreur de ma part, Tout à fait. que ni vous, ni moi, ni les Togolaises et Togolais d'ailleurs, n'ont vu aucune preuve de tout ce qu'on avance, à part la lecture d'un communiqué, on est d'accord. Partant, je pense qu'on nous a parlé de jumelles des années 1950. Tous les touristes, et même moi, mes enfants en ont. Donc pour dire que les jumelles ne sauraient constituer de matériel militaire. Non seulement ça, on nous parle de douilles de gaz lacrymogène. Eh bien, les douilles de gaz lacrymogène, on en trouve un peu partout, à Lomé, puisque la répression prévalant, et on en voit un peu partout. Qui aujourd'hui au Togo ne dispose pas d'une douille de gaz lacrymogène depuis qu'il y a des répressions à Lomé? Eh bien tout le monde. Donc s'il faut s'arc-bouter là-dessus, je considère qu'il va falloir donc mettre tous les Togolaises et Togolais en prison. S'il faut s'appesantir sur des jumelles des années 1950 pour dire que c'est du matériel militaire, cela veut dire que tous les touristes, qui arrivent au Togo, de Lomé à Saint-Cassé, devraient être embastillés au motif qu'ils détiendraient du matériel militaire. D'accord. Koffi, au total, 42 détenus liés aux dernières manifestations ont été libérés suite à une situation d'apaisement et de négociation que prône le pouvoir. Et malheureusement, Joseph Eza et ses compagnons et autres détenus restent toujours en prison. Comprenez-vous le sens de l'apaisement du pouvoir? Alors, déjà, votre question me donne l'occasion de préciser tout de suite qu'il s'agit bien de 42 détenus sur près de 400 illégalement et arbitrairement détenus. Donc, vous conviendrez que là, c'est totalement insignifiant, voire moqueur. Donc, on ne peut parler d'une mesurette d'apaisement alors même qu'il y a eu des morts, des enfants sont morts. Alors, les faisons-nous passer par perte et profit? Une question. Et donc, on ne peut utilement parler de mesures d'apaisement lorsque derrière, à la marche du 7 dernier, à à se couler, des militaires se sont encore illustrés par une répression aveugle et sauvage. Donc, ce sont des conditions qui ne permettent pas aujourd'hui de parler d'apaisement. Et il me semble que l'apaisement ou la paix que les uns et les autres galvaudent ne sont en réalité que des mots qu'ils utilisent, ne comprenant pas au fond le sens qu'ils doivent revêtir. Mmh. Et c'est là ce qui est dommage, parce que libérer 42 personnes sur près de 400 détenus, eh bien, c'est, avouons-le, c'est moqueur à l'endroit du peuple togolais. On ne peut utilement considérer cela comme étant une mesure d'apaisement, contrairement à ce que, par exemple, tentent de nous faire croire les autorités togolaises. Mmh. Justement, le mouvement citoyen Nubuki, dont vous êtes membre au niveau de la diaspora, a été créé il y a seulement 2 ans. Comment expliquez-vous, Kofi Nyanzozon, et sa couverture nationale et internationale? Alors, peut-on dire que le mouvement citoyen Nubuki fait peur au pouvoir dans le contexte actuel? Je disais tantôt que Nubuki s'assigne pour objectif l'éveil des consciences. Alors, les consciences à éveiller, il y en a partout. Il y en a au Togo, il y en a au Mali, il y en a au Ghana, il y en a au Sénégal, il y en a en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Donc, naturellement, tous les esprits où toutes les Togolaises et Togolais qui sont épris de liberté, eh bien, adhèrent à ce mouvement d'éveil de conscience de Nubuki. C'est ce qui explique que nous soyons un peu partout, ou que le mouvement soit présent partout. Parce que le travail que nous faisons est, somme toute, ou au regard des intimidations dont aujourd'hui nous sommes logés, démontre que, eh bien, notre méthode est la bonne, et que nous sommes donc en train de réussir cet objectif que nous nous sommes assignés, notamment l'éveil des consciences. C'est-à-dire que chacun est pris de paix, connaisse ses droits pour pouvoir mieux les défendre, tout simplement. Et je ne vois pas autrement ce qu'il pourrait en être, puisque cela ne doit d'ailleurs pas faire peur. Ça ne doit pas faire peur au pouvoir. Au contraire, ils doivent être contents, heureux, qu'en lieu et place des manquements de l'État, s'agissant par exemple de l'éducation civique qu'on peut délivrer aux concitoyens, eh bien Nubuki, bénévolement, avec ses membres, arrive à le faire, et sans trop de bruit. Et donc là, il ne doit pas avoir de la peur, mais il doit plutôt avoir des félicitations qu'on doit adresser aux membres de Nubuki, parce que, eh bien, ils font le travail en lieu et place de l'État. Tout à fait. Eh bien, vous voulez tantôt de parler, ou bien d'évoquer le cas à Sokoli, qui est vraiment alarmant. Et comment expliquez-vous l'état de siège avec une forte présence de militaires doublés de répression sanglante à Bafilo et à Sokoli? La tendance, comme on le disait tout à l'heure, par rapport aux mesurettes d'apaisement dont on parlait, la tendance est toujours à la répression. Mais curieusement, cette répression ne fait que renforcer la détermination des concitoyens ou de nos concitoyens. Et donc, il y a cet usage aveugle de la force parce que finalement, le pouvoir montre qu'il ne croit qu'en l'usage de la force. Et que pour lui, le seul moyen, la seule méthode dont il dispose pour pouvoir se défaire eh bien, des exaspérations socio-politiques, eh bien, c'est la force, c'est l'usage de la force militaire. Or, la force a une faiblesse, c'est la force elle-même. Donc, arrivé à un moment, eh bien, il va avoir une limite. Et donc, le fait d'aller embastiller, torturer, frapper des gens, piller des domiciles, les voler à Sokodé, Bafilo et Mango ne constitue pas ou ne porte pas en eux donc les germes d'une résolution de cette crise. La crise mérite plutôt un peu de recul et qu'on prenne en compte les aspirations légitimes du peuple togolais. C'est là la seule solution. Exactement. Kofi Nyanzozon, dans le Nord, la répression a été encore féroce. Et cette marche de manifestation de l'opposition, alors peut-on dire que cette partie du pays est-elle la force ou le tendon d'Achille du régime Nyasimbe? Pardon? Je disais que peut-on dire que cette partie du Nord du Togo peut être considérée comme le tendon d'Achille du régime? Alors, comme le tendon d'Achille du régime, je dirais pas tout à fait. Pas tout à fait dans le sens où nul n'ignore que cette partie septentrionale du Togo n'a jamais été fondamentalement acquise au régime, au pouvoir. Au contraire, ils se sont toujours tués. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette forme de respect qui fait que les gens se sont toujours désintéressés de ce qui se faisait, donc de la gestion des affaires de la cité. Mais il faut comprendre que leur situation sociale, n'est pas au fond meilleure que celle de ceux qui se situent également dans les autres parties du pays. Et donc, à un moment donné, il y a eu cet éveil de conscience. Parce que, à trop opprimer l'homme, surgit en lui sa nature animale. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on voit que nos frères et sœurs qui habitent dans la partie septentrionale, eh bien, eux aussi disent non. Parce que leur situation ne leur permet pas aujourd'hui de continuer par accepter l'inacceptable. C'est ça. C'est-à-dire que la pauvreté ne diffère pas en fonction du lieu géographique où tout l'on à fait. Se situe. Tout à fait. Voilà pourquoi, de Lomé à Saint-Cassé, on peut s'amuser à tuer tout le monde dans la partie septentrionale. Il y aura toujours quelqu'un, à partir du moment où il est en vie, qui va toujours revendiquer les mêmes souhaits. Donc voilà pourquoi il faut plutôt s'apesantir à régler le problème au fond et non se contenter eh bien, de chercher à faire peur, à intimider. Parce que même quelqu'un qui a faim, on dit souvent votre affamé n'a point d'oreille. Donc quelqu'un qui a faim, que vous le tuiez ou que vous l'assassinez, eh bien, il n'en a qu'une. Parce qu'en réalité, tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver à manger. Tout à fait. Kofi, on parle un peu plus d'actualité. Le président Faure Gnassingbé s'est adressé aux forces armées hier au camp de Temedjakara. Alors, comment appréciez-vous les propos du président selon lesquels les organisateurs sont responsables des victimes que les participants ont faites et les dégâts qu'ils ont causés? Bref, Faure Gnassingbé accuse indirectement la coalition de 14 partis de l'opposition concernant la mort de l'enfant de 9 ans à Mango, tout comme d'autres victimes. Alors, je pense que dans votre question, il y a lieu de faire ou d'apporter un éclairage. Alors, la première chose, c'est que les victimes militaires ne sont pas, qui sont malheureusement tombées ou du moins décédées, ne l'ont pas été dans le cadre d'une manifestation. Donc tout de suite, il faut enlever la responsabilité de la coalition des 14 partis politiques. Parce que ça a eu lieu, ces victimes ont eu lieu la nuit de l'enlèvement de l'imam. Et donc, pour dire que c'est un soulèvement spontané ou une colère spontanée de la population lorsque l'imam a été enlevé. Il reviendra aux autorités de situer, donc au terme des enquêtes, les responsabilités des uns et des autres, puisque cette même nuit, il faut relever que le siège du parti PNP a été également brûlé à Lomé. Donc, il faudrait, dans ce méli-mélo, arriver à démêler le faux du vrai. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il m'apparaît curieux que le président de la République, donc président de tous les Togolais, n'est que pour seul interlocuteur certaines personnes. Je pense par exemple au parti au pouvoir, à l'UNIR, lors du congrès, et puis les forces armées de Temedja, plus particulièrement. Donc, au fond, à une analyse simple, l'on considérerait que pour le président togolais, eh bien, les sources de son pouvoir sont à deux endroits, au sein du parti UNIR et puis au sein du camp Temedja. En clair, si aujourd'hui la misère que vivent nos frères qui sont à Temedja, si cette misère est mise au goût du jour, ça veut dire que le pouvoir ne tiendrait qu'à un fil. Mais notons également qu'en termes de communication, ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait qui tend à rassurer le peuple. Le président de la République devrait être garant. Il est garant d'ailleurs des institutions de la République. Ça veut dire qu'il est le premier citoyen togolais et ne doit pas à ce titre opposer un Togolais à un autre. On ne peut pas, en tant que premier responsable, poser ou opposer un Togolais contre un autre. Faire penser ou dire, dire à la population, ou du moins aux forces armées, que la population civile, par l'organisation des manifestations, au fond, est terroriste ou constitue des terroristes, je pense que c'est très fort, c'est grave, c'est un acte grave au sommet de l'État. Justement, Kofi Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, dans son message hier aux forces armées et togolaises au camp de Temedjakara, a renouvelé également sa confiance aux forces armées et dit qu'ils seront ensemble pour répondre à toutes menaces ou actions terroristes, comme vous venez de le dire, et qui pourraient toucher la nation togolaise. Et ça dit, Kofi Gnassingbé, que la lutte que mène le peuple togolais semble être mal comprise par le gouvernement et plus précisément le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Oui, ça montre clairement que entre les revendications posées par le peuple, c'est-à-dire la réalité de la situation et les mesures, ou du moins le pouls qu'en prend l'État, eh bien, c'est le jour et la nuit. D'une part, il faut remarquer que ce n'est pas, il ne revient pas aux forces militaires d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestation. Là, il s'agit de manifestation. Mais visiblement, si le chef de l'État s'en retourne vers les forces militaires, ça veut dire manifestement qu'il semble que l'intégrité du territoire soit atteinte. Et donc, considérer ceux qui manifestent comme étant des terroristes, puisque les militaires sont censés défendre l'intégrité du territoire. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que, et ce point est très inquiétant, c'est qu'il ne revient pas au chef de l'État d'aller renouveler sa confiance aux forces armées. C'est aux forces armées de lui renouveler sa confiance. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un grabuge, il y a grabuge, il y a quelque chose. Donc, il faut peut-être chercher à crever cet abcès-là également. Maintenant, troisième point, je ne trouve pas, comme je le disais, rassembleur. Parce que c'est ça, quand on prône la paix, il faut être également rassembleur. Je ne trouve pas rassembleur d'aller dans un camp militaire pour tenir un tel discours. Ce n'est pas du tout normal, surtout au regard du contexte dans lequel nous vivons. En tant que droit de l'hommiste, je le dis, en tant qu'acteur de la société civile, je ne trouve pas cela normal. Et Tout je à ne fait. pense pas que seuls, même les diplomates en place, trouveront cela normal. En termes de communication et en termes d'action gouvernementale, c'est totalement à l'envers du décor. On se croirait en Corée du Nord. Et c'est grave. C'est très grave. De toute façon, quand on considère un peuple, qui veut une liberté, un peuple qui manifeste pacifiquement, le traiter de terroriste, c'est un peu, c'est très grave, cette situation. Alors qu'au final, nous avons plus de 2 mois de manifestation avec une forte mobilisation au Togo, mais le pouvoir du Faure Gnassingbé n'a bougé d'un iota. Le peuple togolais est-il dans une résistance et jusqu'à quand? Qu'au final, nous avons. Alors, il faut savoir que il y a 2 mois de manifestation, mais il faut relever que pendant ces 2 mois, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et donc, à partir de là, le peuple, tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, eh bien, je vous disais tout à l'heure que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce peuple éveillé sait ce qu'il veut, on a beau compter sur l'usure, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Eh bien, les Togolais ne veulent plus revivre les événements de 2005 qu'ils sont justement en train de vivre à l'heure actuelle. Et c'est ça le danger. À partir de là, quand on sait ce qu'on veut, eh bien, quel que soit ce qui se passe, on maintient le cap. Et il me semble qu'au regard du développement de l'actualité, eh bien, le peuple togolais garde le cap. Le peuple togolais garde le cap. Donc, ils sont entrés peut-être en résistance, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien pour pouvoir justement contraindre le pouvoir à répondre à leurs aspirations. Et leur seule arme aujourd'hui, ce sont les manifestations. Et nous observons qu'ils usent, ils en usent, ils en useront, et jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Tout à fait. En tout cas, on l'a dit, le peuple togolais est debout. Alors, Kofi Nyadozon, je vous ai présenté en début de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur nos radios partenaires, Radio Avolté, la voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté, Radio Dédigment. Je vous ai présenté comme membre du mouvement citoyen Nubweke Diaspora. Quelles sont alors les prochaines actions de ce mouvement citoyen Nubweke et quant aux manifestations à venir, puisque le peuple togolais est maintenant dans une résistance à voir la détermination des populations lors des manifestations? Alors, s'agissant du mouvement Nubweke, nous allons toujours continuer, puisque l'approvisionnement, donc les manifestants, quand il y aura les manifestations, nous allons continuer leur approvisionnement en eau, en sandwich, pas que les manifestants, puisque nous apportons assistance également donc aux forces de l'ordre, puisqu'on leur donne de l'eau, on leur donne des sandwichs également, ils ont besoin de manger. Et puis, nous continuerons également par porter assistance aux blessés, puisque je vous rappelle que Mbeke, depuis le 19 août dernier, s'est illustré par la prise en charge des blessés de Lomé à Saint-Cassé. Hein, nous avons une équipe médicale qui travaille à ce sujet de façon régulière, et c'est le lieu d'ailleurs de les saluer. Et la prise en charge se fait, le suivi également. Donc, nous continuerons en total respect de nos objectifs statutaires et parallèlement, l'éveil des consciences, eh bien, nous allons encore l'intensifier parce que la situation l'exige et il faut que les uns et les autres soient au fait de ce qui se passe. Et donc, ils arrivent à comprendre que ce n'est pas la peur, mais c'est plutôt parce que ils n'ont peut-être pas cerné leurs droits et devoirs qu'on cherche à abuser d'eux. Tout à fait. Rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la France. La crise perdure au Togo, état de terreur. La crise est loin d'être réglée. Le dialogue peine à se faire. Quelle lecture de sortie de crise faites-vous de la crise géopolitique et quel rôle Mbeki peut-il jouer pour une issue positive? Alors, en termes de sortie de crise, c'est simple, M. Sylvain Amos. Il faut déjà commencer par démontrer que les 29 accords qui ont eu lieu ou qui ont jalonné l'histoire récente politique du sociopolitique du Togo et qui n'ont jamais été respectés peuvent l'être. Ça commence par la libération première de tous les détenus arbitrairement arrêtés depuis le 19 août dernier, y compris nos trois camarades. Maintenant, une fois cela fait, il faut surseoir au projet référendaire de façon claire et non équivoque, dissoudre la CENI, qui a été montée là, de suite, et ensuite, à partir de là, ça commencera par donner, je pense, un signal de bonne foi vis-à-vis des autres acteurs, tant de l'opposition que de la société civile, notamment de Mbeki, de sorte à ce que nous puissions tous nous asseoir et discuter ensuite de la mise en application de l'article 59, c'est-à-dire du retour à l'article 59 originel, assorti du droit de vote de la diaspora, la révision du cadre électoral, pour que, pour une fois, le Togo réponde à ce cycle d'alternance politique qui prévaut au sein de la sous-région. Tout à fait. Eh bien, Kofi Nyanozon, la mobilisation ne faiblit pas au Togo comme dans la diaspora. Aujourd'hui même, ici même à Berne, en Suisse, la communauté togolaise et suisse organise une grande manifestation. Et c'était cet après-midi, ici à Berne, en Suisse. Quel mot à l'endroit de la diaspora dont le peuple togolais a tant besoin? Alors, par rapport à la diaspora, moi je les invite, notamment je les encourage également, notamment ceux de Suisse aujourd'hui, à sortir nombreux. Parce que il faut pas dormir sur ses lauriers. L'heure est grave. L'heure est grave parce que nos frères sont en train de mourir. Nos frères sont en train d'être tués, pillés, volés. Ce n'est pas normal. On ne tue pas un peuple qu'on entend gouverner. Dès lors, que l'on soit dans la diaspora ou ailleurs, il faudrait sortir. Sortir pour montrer son exaspération. Sortir pour dire non à la violation des droits et libertés fondamentaux. Sortir pour dire non à la tyrannie. Sortir pour dire non à la dictature. Sortir pour dire oui à la liberté. Sortir pour dire oui à une alternance pacifique au Togo. Sortir pour dire oui à la liberté, à l'égalité de chaque citoyen togolais. En tout cas, merci beaucoup Kofi Nyanozon. Vous êtes juriste, vous êtes également membre du mouvement Mbeki Diaspora. Vous êtes aussi membre du mouvement citoyen Groupe Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France. Bonsoir et la résistance et la lutte continue. Bonsoir Monsieur Amos. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix de la résistance. Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch, c'est Radio Partenaire, Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté, Radio Dieniwan. Depuis plus de deux mois, le peuple togolais manifeste et réclame le retour à la constitution de 1992 ou le départ pur et simple fort de Fort Gnassingbé. Mardi, mercredi et jeudi dernier, ils étaient des milliers dans les rues à Lomé, à Nero, à Fanyan, Palimé, Vogan, répondant ainsi à l'appel de la coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Mais à Sokodé et Bafilo, deux villes au nord du Togo, la foule a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. S'en sont suivies également des répressions ayant engendré des blessés. Pourquoi disperser les manifestants dans ces deux villes du nord du Togo alors que le gouvernement togolais levait il y a quelques jours l'interdiction de manifester en semaine? Pourquoi tant de répression lors des manifestations dans les villes du nord? Comment expliquer l'état de siège avec une forte présence de militaires à Sokodé, à Bafilo? Nous en discutons tout de suite avec nos invités en ligne depuis la France et aux États-Unis. Et nous accueillons tout de suite en premier depuis la France, François Frabriga. Il est directeur de communication du collectif pour la vérité des unes, CVU Togo Diaspora. François Frabriga, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les amis de la diaspora, mais surtout bonsoir à tous les combattants de la liberté qui sur le terrain au Togo font un travail remarquable et contre vents et marées ne baissent pas la pression et continuent le combat. Tout à fait. Et aux États-Unis, Caroline Dinon, nous accueillons également Moussa Issifo, coordinateur de CEMAF au Togo. CEMAF Togo est membre de la CEMA de coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Moussa Issifo, bonsoir et bonjour. Oui, bonsoir à Mons, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K+, à 6. Et bonsoir à M. Fabrega qui est aux côtés du peuple togolais. Et je profite de l'occasion pour envoyer un bonjour, un grand bonjour aux combattants de la liberté et de la résistance togolaise. Merci beaucoup. On va voir si... On va voir si effectivement François Fabrega est du côté du peuple togolais. Et justement, François Fabrega, pour les auditeurs panafricains et togolais qui ne le connaissent pas, et c'est un Français qui a vécu au Togo pendant au moins 5 ans. Alors, François Fabrega... 6 ans. Pendant 6 ans, alors vous suivez de très près ce qui se passe en Afrique et notamment au Togo. Et alors, sous pression internationale, le gouvernement togolais avait finalement levé l'interdiction de manifester en semaine. Là, la mobilisation et la détermination du peuple togolais ne faiblit pas. Pendant 3 jours, les 7 et 8 novembre dernier, la foule était encore immense. Un seul mot d'ordre, le retour à la constitution de 1992. François Fabrega, on vient de le dire, vous avez vécu au Togo pendant au moins 6 ans. Comment analysez-vous cette détermination du peuple togolais? Oui, Sylvain, j'ai vécu au Togo pendant 6 ans et je n'ai jamais quitté le Togo depuis que je suis rentré ici. J'y suis même retourné à plusieurs reprises. Alors, mon analyse est simple. Après les 3 jours de manifestation auxquels la coalition de l'opposition togolaise avait appelé, il y a effectivement des motifs de satisfaction quant au niveau de mobilisation et à la volonté encore intacte des Togolais pour continuer à exiger d'une part le départ de Fort Gnassingbé et l'alternance politique et d'autres par la transformation en profondeur de la société. Et le fait que les manifestations se soient déroulées dans 17 villes selon les organisateurs en dit long sur la profondeur du mouvement de contestation et surtout sur sa généralisation sur l'ensemble du territoire et pas seulement dans une partie du pays. Car l'enjeu politique du moment est bien celui-là. Et Fort Gnassingbé et le RPT Unir doivent aujourd'hui faire face à plusieurs fronts, ce qui les a justement, jusqu'à présent, singulièrement désarçonnés, on doit le dire. Quelle était la situation jusqu'à ce jour? Jusqu'à présent, il y avait le pouvoir RPT Unir, ses représentants, dont le premier d'entre eux, Fort Gnassingbé, avec en face une opposition au contour plus ou moins défini, avec un chef de file de l'opposition quasiment institutionnalisé, en tout cas dans les textes officiels. Mais depuis le mois d'août 2017, l'irruption subite sur la scène politique du PNP de Tikpi Achadam, qui à partir du centre du pays et contre toute attente fut capable de mobiliser des dizaines de milliers, on va me dire des centaines de milliers en tout, de manifestants à travers le pays, a ouvert un deuxième front. Et ce deuxième front a permis d'élargir Ça est la conséquence majeure, très largement, considérablement, la coalition des forces politiques, le mouvement de contestation, a subitement perdu le caractère unilatéral qui le caractérisait depuis des années, essentiellement concentré au sud du pays, pour s'élargir sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est quand même une donnée nouvelle qu'il faut prendre en compte dans toutes les analyses. Mieux encore, ce mouvement a pris racine dans la région de Sokodé, au centre du pays, réputée acquise depuis toujours à la dynastie Nyasingbé et au RPT Unir. Alors moi, l'analyse que je fais, c'est que ce mouvement en profondeur traverse la société togolaise depuis de nombreuses années maintenant, et pas seulement depuis le mois d'août 2017. Au-delà d'un ras-le-bol légitime, eu égard à la condition misérable qui est faite à des millions de compatriotes, il exprime surtout les contradictions profondes d'une société dans laquelle tout est réservé à une minorité, pendant que l'immense majorité des citoyens n'en peut plus de végéter, sans perspective de pouvoir se sortir un jour dans la situation de pauvreté qui écrase la majorité de la population. Mais jusqu'à présent, le pouvoir RPT Unir et Fornia Singbe, se croyant éternel sans doute à la direction des affaires du pays, parce que soutenu, il faut le dire quand même et le préciser, par la frange radicale non républicaine des forces armées togolaises, ont toujours opposé une fin de non-recevoir à la moindre avancée de la démocratie. Pourquoi ? Justement parce que toute avancée démocratique conduirait de facto, d'une part, à la vérité des urnes dans les élections susceptibles de déclencher un phénomène d'alternance, et d'autre part également à la vérité des comptes publics susceptibles, elles, d'entraîner une manière de gouverner qui se livre à une redistribution plus équitable de la richesse nationale pour faire reculer la pauvreté. Voilà, à mes yeux, les véritables raisons qui sous-tendent la détermination du peuple et que vous avez vous-même relevé, Sylvain. D'accord. Et là, puisque vous m'avez posé la question du retour à la Constitution de 92, qui constituait le seul mot d'ordre politique de ces trois journées, cela éclaire bien cette perception populaire, car dans le contexte actuel, le retour de la Constitution à la Constitution de 92 constituerait les prémices du départ de Fornia Singbe, dont la possibilité d'un début de processus conduisant à la transformation de la société togolaise, parce qu'il va falloir quand même la transformer en profondeur. Une fois que Fornia Singbe sera parti, il y a un travail, il y a un chantier immense qui nous attend. D'accord. Donc tout simplement parce qu'elle sonnerait, le retour à la Constitution de 92 sonnerait le glas de la dynastie de type monarchie du clan Nsingbé. Et donc le peuple togolais sent bien aujourd'hui que cette perspective est à portée de main, et c'est pour ça que le cadre contestataire s'est d'une part élargi, et que d'autre part il perdure dans le temps, malgré la dureté de la répression qui s'abat sur le peuple togolais aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. En tout cas, François Fabrega, à vous entendre, et votre développement, et vous n'avez pas vécu plus de 6 ans au Togo pour rien. On sent que vous connaissez, vous maîtrisez tout ce qui se passe au Togo sur le plan politique et que social. Alors, Moussa Issifou, je vous présente comme coordinateur de SEMAFO Togo, membre de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Alors, la mobilisation, la détermination du peuple togolais ne faiblit pas. Ces 3 jours au Togo ont encore prouvé que le peuple togolais est debout à jamais contre la dictature de ses quantenaires au Togo. Retour à la Constitution de 1992. Vous êtes togolais dans la diaspora. Comment analysez-vous cette détermination du peuple togolais? Merci, Amos. Pour commencer, je dirais que je partage entièrement l'analyse de Monsieur Fabrega. Et je vais ajouter que la détermination qu'on voit aujourd'hui par rapport à ce qui se passe du peuple togolais, c'est que cette détermination vient d'une prise de conscience, je dirais, collective. Collective parce que ce peuple, dans sa majorité écrasante, a pu se forger un sentiment commun qui est devenu en quelque sorte une motivation. Ce sentiment, c'est que le peuple a finalement, à Amos, compris que personne ne viendra d'ailleurs le libérer du joug de la dictature la plus implacable des temps modernes. Exactement. Le peuple a également compris que dans le contexte actuel, c'est le retour à la Constitution de 1992 qui reste la seule alternative crédible à qui puisse rendre cette libération possible. Tout à fait. Et là, tout le monde sait qu'il ne faut plus rester à la maison, il faut sortir. C'est pourquoi nous voyons presque tout le monde, les femmes, les vieux, les bébés. En tout cas, tout le monde est dans la rue pour réclamer, n'est-ce pas, à cette constitution-là, puisque c'est la seule qui pourra offrir tout ce que nous voulons en tant qu'alternance politique, d'accord, la démocratie, la liberté et tout ce dont on a besoin. D'accord. Eh bien, on va relancer François Fabrega, et je le disais, on va encore répéter, vous avez vécu pendant au moins 6 ans au Togo. Alors là, vous avez attendu également la réaction de Moussa Issifo qui dit, voilà, le peuple togolais a compris que le peuple ne peut compter que sur lui-même pour sortir de ce joug de dictateur au Togo. François Fabrega à Lomé, on a manifesté, et là, contrairement à ce qui... qu'il n'y a pas eu de répression à Lomé et à Bafilo. Cette semaine, à Koutougouma Sokoré, 2 villes au nord du Togo, la foule a été dispersée et s'en sont suivies des répressions sanglantes. Alors, comment interprétez-vous la situation d'état de siège, surtout à Sokoré, à Bafilo? On rappelle que vous connaissez également Bafilo et Sokoré, François Fabrega. Tout à fait. Je connais le Togo du nord au sud, de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Hein. Il n'y a pas de souci, et je l'ai sillonné en long, en large et en travers. Je connais bien ces régions. Alors justement, Sylvain, votre question est très importante. Et j'ai déjà indiqué tout à l'heure que le mouvement a pris racine dans la région de Sokodé, au centre du pays, réputée depuis toujours acquise à la dynastie d'Yassingbé. Mais vous avez parlé de Bafilo aussi. Mais vous auriez pu tout aussi bien rajouter Mango, où un jeune enfant de 9 ans a trouvé la mort le 29 septembre. Mais aussi, justement, Sylvain, on pourrait remonter même à Saint-Cassé ou en 2016. Souvenez-vous, il y a eu des violences très fortes des forces de l'ordre. Et aussi, mes souvenirs sont exacts, il y a eu quand même 2 lycéens qui sont morts dans les événements qui se sont... À Dapaon. Donc, voyez, il y a un ensemble de violences qui ne datent pas d'il y a quelques mois seulement. C'est un mouvement qui est plus profond. Et pour moi, le problème vient de loin. Il vient de loin pourquoi? Parce que progressivement, le RPT Unir du Fils, qui n'a plus rien à voir avec le RPT que le père avait créé de toutes pièces... Justement, François Fabrega, si je ne vous coupe pas, vous êtes français. Le RPT n'existe plus. Pourquoi s'appeler le RPT Unir? Le RPT n'existe plus. Mais justement, moi j'appelle RPT Unir parce qu'il y a la plus grande continuité. Ce parti, c'est l'émanation directe de Yadema. Souvenez-vous, le RPT a été créé il y a 48 ans déjà. Et le 30 novembre 69, c'est-à-dire que dans quelques jours, ce sera le 48e anniversaire. Et il a été créé suite à la période historique qu'avait lancé à Palimé et Yadema le 30 août 69. Et donc, ce RPT, il a perdu des positions, y compris dans le nord du Togo, terre d'influence traditionnelle. Et il a perdu des positions parce que les populations, en particulier cette jeunesse, la jeunesse, j'insiste là-dessus, à laquelle on ne peut plus aujourd'hui raconter des balivernes comme ce fut le cas durant des dizaines d'années, ont tout simplement progressivement pris conscience des limites de ce régime népotique et quasi-dictatorial, moi je n'ai pas peur des mots, et de l'impasse dans laquelle le statu quo les maintiendrait, eux les jeunes de ce pays. Alors oui, vous avez raison. Selon les informations qui nous parviennent du terrain, la région centrale, celle de la Kara et des savanes et les villes que nous venons d'évoquer, sont quasiment en état de siège. Et si à Sokodé et Bafilo, on n'a pas pu manifester au cours de ces 3 jours parce que les 2 villes ont été assiégées par des militaires déployés en grand nombre et qui empêchaient tout rassemblement, l'argument avancé par le ministre de la Sécurité d'Amehan, Yark d'Amehan, là, selon lequel on ne peut permettre de manifester dans ces villes tant qu'il y a des armes arrachées aux forces de l'ordre qui sont encore dans la nature, fin de citation, ne tient pas la route quand on connaît les capacités que sont capables de déployer les forces armées togolaises en face de quelques manifestants éventuellement armés. Et je rappelle qu'au-delà des victimes devant lesquelles nous avons le devoir, je dis bien le devoir de nous incliner avec le plus grand respect et la plus grande humilité, il y a des milliers d'exilés dont on parle peu, notamment au Ghana et peut-être aussi au Bénin. Et cela me rappelle justement étrangement la situation que j'ai vécue, dont j'ai été témoin parce que j'étais sur place, j'étais témoin direct en 2007 lors de l'arrivée au pouvoir de Fornia Singbe à la suite d'élections qui avaient bafoué le suffrage universel et la vérité des urnes. Alors certes, nous ne sommes pas encore au niveau des événements, et je ne le souhaite pas bien entendu, hein, au niveau des événements de 2005, tant pour le nombre de morts et de victimes civiles, je rappelle que plus de 800 morts avaient été recensés selon un rapport de l'ONU à l'époque, ni que pour celui des exilés, puisque à l'époque, ce sont des dizaines de milliers de Togolais qui, en 2005, ont fui le Togo vers le Ghana et le Bénin, et qui ont mis, pour certains, 7 à 8 ans avant de pouvoir rentrer au pays. Il faut jamais oublier cela. Tout à fait. Mais pour qui a vécu 2005, comme moi je l'ai vécu, ce qui est caractéristique aujourd'hui en 2017 dans la similitude des situations, c'est que les méthodes employées par le pouvoir de Forna Singbe et de RPT Unir, avec l'utilisation d'une partie des forces armées togolaises non républicaines, je le précise parce qu'il y a des forces armées togolaises, une partie qui sont des républicains. Ça s'ajuste. Et donc, à des véritables opérations de nettoyage, parce qu'ils se livrent à des véritables opérations de nettoyage, et aussi, n'oublions pas, comme en 2005, à la réactivation de milices civiles pour lesquelles il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre les intérêts de quelles personnes et de quels commanditaires elles servent. Alors, je vais être optimiste, parce que dans la vie, il faut l'être et il faut encourager nos amis qui se battent là-bas. Cela préfigure peut-être le fait que Forna Singbe, qui est arrivé au pouvoir en 2005, en provoquant un bain de sang et un chaos politique dont il porte l'entière responsabilité, je pèse mes mots, pourrait en 2007 peut-être être amené à quitter le pouvoir, hélas, dans les mêmes conditions de violence aveugle. Et la déclaration de ce samedi matin, 11 novembre 2017. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, François Fabédia. Voilà, devant les militaires, il faut qu'on y revienne parce qu'il faut qu'on parle de ça. Exactement. On va relancer. Ce que je voulais dire pour conclure sur mon petit chapitre, allez-y. C'est que chacun aura compris que la violence en 2017 est le fait d'un pouvoir faible, contrairement aux apparences qu'il tente de donner. Tout voilà ce que je voulais insister. Voilà. Eh bien, Moussa Issoufou, vous avez écouté et François Fabédia, là, il connaît très bien le Togo. François Fabéga m'impressionne quand même parce que il y a des Togolais qui ne veulent même pas s'informer, mais voilà un Français qui s'informe sur la situation sociopolitique au Togo. Alors Moussa Issoufou, de retour et de sa retournée à l'intérieur du pays, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a, au cours d'une conférence de presse la semaine passée, exposé des images choquantes qui attestent la barbarie militaire à Sokoné, à Bafilo. Alors Moussa, rappelons également que cette semaine, surtout dans les deux localités, Bafilo et Sokoné, la foule a été dispersée et ça s'en suivi des répressions sanglantes. Moussa Issoufou, vous êtes de Bafilo et vous parlez bien thème. Hein. Est-ce que les manifestations sont officiellement interdites au nord? Alors comment interprétez-vous la situation d'état de siège, surtout à Sokoné et à Bafilo, Moussa Issoufou? Si l'on s'en tient aux déclarations du ministre Yak, nous pouvons dire que les manifestations sont interdites à Bafilo et à Sokoné, puisque ce ministre a déclaré lors d'une interview que les deux fusils qui avaient disparu lors des manifestations du 19 août n'ont toujours pas été retrouvés. Et par conséquent, pas question de laisser les gens manifester à Sokoné. Amos, vous savez que ce régime a peur de la détermination des populations de ces deux villes. Donc, il faut inventer des histoires, même les plus ridicules, pour les anéantir. Yark sait que ce qu'il a dit ne tient pas debout. Et c'est dommage. Pour ce qui est, à mon sens, de l'état de siège imposé sur ces deux villes, on ne le dira jamais assez. C'est une stratégie qui vise à décourager les autres villes du Togo à s'engager dans la lutte. Elle vise aussi à saper le moral des populations de Sokoné, de Bafilo et de Mango, et afin de les contraindre à renoncer aux manifestations. C'est pourquoi chaque fois que ces populations, contre toute attente, bravent l'État pour sortir manifester, la répression reprend et se montre plus barbare que la précédente. Nous avons appris que le jeudi passé, les militaires ont tabassé jusqu'à un bébé de 3 mois. Ce n'est pas triste, à moi. Exactement. Quel pays? Alors, cette information est encore à vérifier, Moussa Issoufou. Oui, mais quand même, nous avons, en tout cas, cette information est revenue à plusieurs reprises et elle est persistante. Donc, compte tenu du comportement de nos militaires, on ne peut que croire qu'ils sont capables de cette barbarie. D'accord. Et celui-ci, le lieu de condamner, n'est-ce pas, cette barbarie avec la dernière rigueur, parce que cela n'est pas acceptable. qu'on puisse agir de la sorte. Ces actes criminels sont méprisables. Il faut que tout le monde les sache. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas agir comme ça. Alors, je voudrais continuer en disant que pour d'autres, n'est-ce pas, cet état de siège, n'est-ce pas, vise clairement à faire en sorte que ces populations puissent être complètement anéanties. Et alors, elles sont considérées comme les soutiens les plus forts, n'est-ce pas, de Tipi à Saddam. Et selon ce que nous apprenons, selon les rumeurs qui circulent, il ne faut rien laisser au hasard au Togo parce que ce régime est capable de tout pour conserver ce pouvoir. Alors, l'on nous dit que c'est une stratégie aussi qui vise à affaiblir cette population-là. Et alors, lorsque ils arrivent, n'est-ce pas, à mettre leur coup en marche, leur plan machiavélique en marche, personne ne pourra réagir parce que la population serait déjà affaiblie. Et c'est ce qui se passe. Mais ce que moi je voudrais dire au pouvoir aujourd'hui, c'est que qu'il touche à Tipi ou bien à un autre leader politique aujourd'hui au Togo, c'est tout le Togo qui sera debout pour réagir de façon décisive contre tout ce qui atteindra à quiconque dans le groupe de ces leaders-là. Alors il faudrait qu'il se ravise, qu'il faudrait que le régime, n'est-ce pas, révise sa copie. D'accord. Parce que rien ne sera plus. Comme avant. En tout cas, comme le dira l'autre, ni du sud, ni du nord, je suis togolais. On va, il y a le président Fonia Singbe face à cette situation. Et quand on parle de répression sanglante de mort, le président Fonia Singbe s'est adressé hier aux forces armées togolaises au camp de Temedja-Akara. Mais avant de vous relancer, nous allons faire écouter son message à tout le peuple togolais, câblé sur le 3xW.canalka.ch. Et nos radios partenaires, nous écoutons son message et vous allez réagir. Ceux et celles qui organisent ces manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les participants ont faites et des dégâts qu'ils ont causés. Ce fut le cas de cet enfant tué à Mango, aussi à Sokodé. Ce fut également le cas de vos camarades, frères d'armes, le sergent Elima Klesson et le caporal-chef Acham Nachamba Simzin, lynchés et décapités par un groupe d'individus organisés et préparés à cet effet. Je veux de nouveau leur rendre hommage ici, ainsi qu'à leur famille. Ils sont allés avec courage au bout de leur engagement au service de la paix que nous voulons tous pour notre pays. Leurs assassins sont activement recherchés et tout sera mis en œuvre pour les retrouver, où qu'ils se trouvent, les juger et les châtier conformément aux lois de notre République. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous renouveler ma confiance totale. Sous la conduite de vos chefs, j'ai la conviction que vous vous comporterez toujours en soldats responsables face aux provocations et aux menaces de toutes sortes. Je sais pouvoir compter sur votre courage et votre sens du devoir pour relever tous les défis qui vous seront lancés et que, sans faiblesse, nous saurons ensemble répondre à toute menace ou action terroriste qui pourrait toucher notre nation. Vive les forces armées togolaises, vive le Togo. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, François Frabega, vous avez écouté tout à l'heure Fonia Singbe qui s'adressait hier aux forces armées togolaises au camp et de Temenja Akara. Alors, François Fabenga, comment appréciez-vous les propos de Fonia Sibé selon lesquels les organisateurs sont responsables des victimes que les participants ont faites et les dégâts qu'ils ont causés? Alors, bref, Fonia Sibé, hein, on dira-t-on, accuse indirectement la coalition de 14 partis politiques de l'opposition concernant la mort de l'enfant de 9 ans tué à Mango, comme tout comme d'autres victimes. François Fabenga. Alors, je vais vous dire, Sylvain, pour moi, à mes yeux, la chose est claire. Le monsieur que nous venons d'entendre, c'est tout sauf un président de la République digne de ce nom. Je fais remarquer à tous les amis togolais qui vont nous écouter que pour adresser un message à la nation, il est allé s'abriter derrière le camp de Temedja, derrière les militaires de Temedja, mais il n'est pas allé, par exemple, à Bafilo, hein, pour auprès de la famille de ce gosse de 9 ans qui a été tué par ces mêmes militaires, hein, et pour adresser un message à la nation. Donc ce message à la nation, il le discrédite au moment même où il est diffusé sur les ondes, parce que il est allé s'abriter derrière la force armée pour adresser ce message. Premièrement. Deuxièmement, le fait, il faut bien écouter ce qu'il a dit, cette déclaration qui assimile les manifestations à un danger terroriste, en dit long sur la volonté d'amalgame de Fonia Sibé et du RPT Unir pour discréditer le mouvement de contestation. Ça, c'est le deuxième point que m'inspire ce que nous venons d'entendre. Le troisième point, moi, je demande à tous nos camarades sur le terrain là-bas de le prendre au mot. Ah, il a dit qu'il allait vouloir rechercher tous les auteurs des exactions et tout ça, les punir. Eh bien, ok, prenons-le au mot. Qu'il les punisse, d'accord, et qu'il les recherche, d'accord. Mais à ce moment-là, il faut qu'il recherche au sein des forces armées togolaises ceux qui se sont livrés aussi à des exactions et à des véritables assassinats. Il y a quand même au moins 24 morts à l'heure où nous parlons. Ça, c'est le premier point. Et aussi, il faudra qu'il les cherche et qu'il les trouve et qu'il les punisse au sein des milices qui sont à sa solde et qui sillonnent aujourd'hui toutes les régions du Togo. Je parle bien des milices civiles. Alors, ce monsieur, et en plus, je vais vous donner une information, Sylvain, que j'ai eue tout à l'heure, c'est qu'après ce discours, hein, au lieu de rester au Togo compte tenu de l'urgence de la situation, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'envoler pour Milan en Italie pour aller faire on ne sait quoi. Hein. Et ce type-là se dit président de la République, c'est un véritable scandale. Je vous prie d'excuser mon indignation exprimée de la sorte, mais c'est ce que ça m'inspire vis-à-vis des millions de gens qui souffrent dans le pays. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Eh bien, Moussa Issifou, hein, donc vous avez certainement aussi écouté le message de Fonia Sibé, hein, message adressé hier aux forces armées et togolaises au camp de Temedja Akara. Fonia Sibé n'a pas dénoncé les répressions. Par contre, il renouvelle sa confiance aux forces armées togolaises. Quelle est votre réaction après l'avoir écouté? Moi, à Moscou, moi, j'ai écouté Fonia Sibé. J'ai eu l'impression que on était en face d'un chef de guerre qui s'adresse à ses troupes. Tout à fait. Dans une guerre. Et nous sommes au Togo. C'est le peuple qui manifeste. Les mains nues. Et l'on nous parle, l'on utilise ce discours-là de guerre. À moi, c'est dommage. Les Togo, c'est dommage pour mon pays. C'est dommage. Ceci et ce discours nous confirme que, en fait, l'armée togolaise est vraiment en guerre contre son propre peuple. C'est ce que nous ressentons maintenant. Nous avons la confirmation. Et à moi, je m'indigne par rapport à ce comportement. Ça fait mal à Moss. Il nous parle de terrorisme. N'est-ce pas une manière de préparer l'opinion à ce plan macabre dont parlent tous les Togolais de Justement, Moussa Issoufou, là, effectivement, dans son message, Fonia Sibé renouvelle sa confiance aux forces armées. Hein, et dit qu'ils seront ensemble, Fonia Sibé et l'armée seront ensemble pour répondre à toute menace ou action terroriste. Hein, le mot est pesé, terroriste, qui pourrait toucher la nation togolaise. Moussa Issoufou, est-ce à dire que la lutte que mène le peuple togolais depuis des mois et des années, et cette lutte est mal comprise par le gouvernement et plus précisément le chef de l'État, Fonia Sibé? Oui, mais bien sûr. Non, disons, est-ce qu'elle est mal comprise? Moi, je pense que c'est du refus karma de comprendre. C'est pas que. Et Tom Achimé sait vraiment pourquoi le peuple manifeste. Il sait qu'il a signé 25 accords et qu'il n'a jamais respecté. Et il sait que le peuple togolais a le droit, n'est-ce pas, de lui réclamer son pouvoir. C'est tout. Maintenant, s'il va là-bas faire semblant comme quoi il ne sait pas vraiment ce qui se passe, moi je parle plutôt peut-être de l'aliénation, karma de l'aliénation, parce que ce n'est pas possible qu'on puisse dire que Paul ne sait pas pourquoi les gens manifestent. Maintenant, l'idée du terrorisme qu'il évoque, moi, il n'est pas le seul à le faire. Tous les dictateurs qui sont tombés depuis 2011 à travers le monde après des révolutions, ils ont évoqué le même mot, terrorisme. Et ils ont envoyé l'armée pour aller mater de pauvres populations qui manifestent main nue. Mais le peuple a toujours eu raison d'eux. Et c'est pourquoi moi, je suis convaincu que le peuple togolais aura raison de ce dictateur. Ça peut prendre du temps, mais cela va arriver. Et il faut que Paul Nyasimbe le sache. Et l'armée aussi doit le savoir parce que le peuple togolais n'est pas contre son armée. Mais nous demandons à notre armée de ne pas accepter d'être utilisée. Mais justement, Moussa Issoufou, hein, il y a justement des militaires qui sont tués lors de ces manifestations-là. Oui, mais les militaires sont tués. Nous avons les informations que nous avons. C'est les miliciens recrutés par le régime et envoyés à cet effet-là pour commettre ce crime-là. C'est des miliciens qui ont tué ces soldats. On nous parle d'avoir égorgé des soldats. Nous avons, déjà nous disent que non, ces soldats ont été tués par des miliciens, mais ils n'ont jamais été égorgés comme ces gens-là le réclament à tout moment. Et jusque-là, il y a même des doutes sur le fait qu'il y a eu vraiment ces assassinats. Ça c'est entre parenthèses, on le saura un jour. Lorsque ce régime sera dégagé et que de vraies enquêtes seront menées, on saura vraiment qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé à ce côté. Mais je voudrais ajouter que tout ceci se passe parce que l'on a voulu justifier les massacres en cours actuellement à ce côté, à Amos. Moi, j'ai eu des témoignages hier. J'ai regardé des vidéos hier de ce côté. À moi, si vous ne pouvez pas résister. Déjà, ce n'est pas possible. Je te dis qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont toujours dans la brousse à ce côté. Ils ont peur. Les enfants ont peur. Ils crient dans les chambres. Ils ne peuvent plus dormir parce que ce qu'ils ont vécu. Devant eux, on a molesté, on a tabassé leurs parents. Ce n'est pas possible. Et de nous dire que quelqu'un va quelque part pour nous parler de quoi. D'accord. Eh bien, on va relancer François Frabega. François Frabega, voilà, et lors de ces manifestations, il y a eu aussi des militaires qui ont été tués. Tout à l'heure, Moussa Issoufou l'évoquait, la condition dans laquelle ces militaires ont été tués également. Alors là, pourrait-on dire que voilà, il y a mort de militaires? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Faure Gnassingbé a adressé ce message? Ça peut s'expliquer, ce message de Faure Gnassingbé à l'armée togolaise, considéré pendant longtemps et comme, on l'a dit, l'armée a plus trop de poids dans la gestion du pouvoir. Oui, mais Sylvain, Moussa a parfaitement raison. Hein, de toute façon, je partage le point de vue qu'il vient d'émettre. Et en plus, je dirais mieux, Moussa, c'est que le jour où on va pouvoir envoyer cet homme devant la Cour pénale internationale, on va faire la lumière sur bien des aspects de sa gouvernance et depuis 2005 jusqu'au jour où il aura quitté le pouvoir. Ne vous inquiétez pas, si on arrivera à l'envoyer à la Cour pénale internationale et on fera le truc. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Fora Temedja? Il est allé resserrer les rangs. Parce que il ne faut pas croire non plus, je pense personnellement, je fais plus que penser parce que j'ai quelques échos dans ce sens-là qui me viennent du pays, hein, c'est que l'armée n'est pas encore aujourd'hui homogène. Il y a certes, c'est pour ça que j'ai bien pris soin tout à l'heure de parler de militaires non républicains et de préciser aussi précédemment qu'il y avait une partie de l'armée qui était parfaitement républicaine. Mais ces non républicains, c'est une peste. Et cela, il est allé resserrer les rangs de cela, hein, pour faire impression sur les autres. Parce que l'armée n'est pas un corps homogène. Il est allé resserrer les rangs et il est surtout allé chercher là-bas le soutien éventuel à une crise qui pourrait être beaucoup beaucoup plus grave. Cet épisode du discours de Temedja hier est significatif du fait qu'il est prêt à aller aussi loin qu'ils étaient allés en 2005. Oui. Il faut être conscient de ça. Hein? Et à partir du moment où on est conscient de ça... Donc il faut s'attendre à carnage total quoi, au Togo encore une fois. Mais ce n'est pas exclu et ils sont prêts à le faire s'ils le peuvent. Alors à ce moment-là, oui, il va falloir faire feu de tout bois. Quand je dis faire feu de tout bois, je ne parle pas de violence, mais il y a quand même quelques-uns qu'il va falloir alerter sur la gravité de la situation au Togo et sur le risque que prennent certains apprentis sorciers, que ce soit dans la sous-région ou au plan international. Hein, continuer à soutenir ce type de manière inconditionnelle, ça implique de lourdes responsabilités. Voilà en tout ce cas, que je veux dire. François Folga, je vais encore vous relancer sur une question. Il faut quand même l'appeler. Il est le chef de l'État togolais, quand même, Fonia Singbe. Alors, François Folga, dans cette situation dramatique que vous venez de décrire là, sur l'association sociopolitique au Togo, alors comment interpréter, dans le contexte politique actuel, l'information publiée par le site spécialisé d'information de défense militaire, JENS 360, l'information selon laquelle la France, votre pays, serait sur le point de vendre 6 hélicoptères de combat au Togo. Entre-temps, voilà, je pense que Le Drian avait refusé de vendre ces hélicoptères-là. Quelle est votre réaction, François Fabega? Exactement. Alors, vous avez raison, Sylvain. J'ai vérifié cette information au début de la semaine dernière. Et effectivement, le site JENS 360, qui est spécialisé dans l'information sur la défense militaire, a publié le 4 octobre un article qui il est en anglais, mais j'ai fait la traduction, qui s'appelle « L'obtention des gazelles togolaises avance ». Et cet article a été publié sous la signature d'un certain Erwan de Chérizé, et dans lequel il est dit que le gel sur l'obtention du Togo de 5 anciens hélicoptères Gazelle de type SA-342, pardon, est reconsidéré selon une source industrielle et ayant connaissance de l'accord. Et l'article poursuit, la source précise que le nouveau gouvernement français du président Emmanuel Macron aurait passé en revue le projet et qu'il y aurait maintenant des perspectives fortes pour l'aboutissement et surtout pour que la livraison puisse être approuvée dans un bref délai. Alors, le site relève également que le magazine français Jeune Afrique a rapporté en mai que les 20 millions d'euros du montant de l'accord avaient été approuvés par la commission interministérielle française sur les exportations d'armes, mais que l'exportation, effectivement, vous l'avez dit, avait été bloquée par le ministère des Affaires étrangères, Le Drian en l'occurrence, en raison, disait-on à l'époque, des préoccupations selon lesquelles les hélicoptères pourraient être utilisés contre des adversaires politiques ou des manifestants. Mais on peut... Alors, j'ai repris exactement les termes des motivations du blocage à l'époque, c'était au mois de juin, et c'est quand même un peu fort de café que la France envisage de les livrer, alors que justement, nous sommes en pleine répression d'adversaires politiques ou de manifestants. Alors, je rappelle que ce contrat porte sur la vente et l'entretien de 5 appareils, la formation d'une quinzaine de pilotes et de mécaniciens sur plusieurs sites français. Et les appareils sont des hélicoptères de type Gazelle, je l'ai dit, équipés de caméras embarquées avec vision thermique. Alors voilà, moi je me souviens que vous m'avez déjà interrogé au mois de juin sur cette question précisément. Tout à fait. Si vous vous en souvenez, Sylvain. Mon analyse à l'époque avait été la suivante. Je vous avais dit, la question n'est donc pas de savoir selon la question que se pose l'un de nos confrères, puisque c'est un confrère à vous qui se posait la question, de savoir si l'achat des hélicoptères du Togo auprès de la France sera effectif, mais plutôt, disais-je, quand ils seront livrés. Et en conséquence, et sans préjuger de la suite qui sera définitivement donnée par la France à cette affaire, il semble que les faits aient tendance à confirmer ma prédiction. Hein? Tout à fait. Alors, François Fraga, s'il arrivait que la France, votre pays, livrer ces hélicoptères dans les conditions actuelles, très compliquées, dramatiques au Togo. Alors, faut-il l'interpréter, cela, comme un soutien implicite de la France et de son président Emmanuel Macron à Fonia Singbe? Alors, moi, personnellement, Sylvain, vous me connaissez maintenant depuis un moment, je ne mâche pas mes mots et j'essaye de parler en langage de vérité. Il est clair que dans le contexte politique que nous venons de décrypter ensemble, avec vos invités, avec Moussa et avec votre précédente invitée, d'accord, si la France effectue la livraison, ce serait à mes yeux une véritable provocation à l'égard du peuple togolais, surtout quand on constate actuellement la barbarie dont font preuve certains éléments des forces armées togolaises et des milices à la solde du RPT Unir et de Fornia Singbe. De là à prédire si dans le contexte actuel le président français Macron franchira le pas, je ne m'y hasarderai pas. Parce que il fait tout et son contraire de ce qu'il a promis. Mais il semble tellement avoir emboîté le pas de va-t-en-guerre de son prédécesseur et mentor, faut-il le préciser, François Hollande, que rien ne m'étonnerait. En tout cas, il faut quand même que les Togolais sachent qu'un tel président, je parle d'Emmanuel Macron, qui qualifie en France les manifestants de gens qui foutent le bordel, textuellement, je répète, il qualifie les manifestants, entre guillemets, de gens qui foutent le bordel, il doit très peu se soucier, à mon avis, du sort de millions de Togolais qui croupissent depuis un demi-siècle sous la dictature d'Ignace Singbé. Hein. C'est dommage, voilà. C'est dommage. Alors, Moussa Issoufou, voilà. Je vous relance sur cette question, hein, que la France s'apprête à vendre 6 hélicoptères de guerre, hein, de type gazelle. Et au Togo, quelle est votre réaction, Moussa Issoufou? Amos, vous parliez d'un soutien implicite. Moi, je parle d'un soutien explicite. Puisque qu'est-ce qui reste encore pour parler de soutien si jamais la France irait à livrer ses hélicos dans les conditions actuelles? C'était des hélicos qu'on avait utilisés pour attaquer les populations de Danéon en 2005. On se souvient. Oui. C'est, oui. Pas. C'est des milliers, c'est des centaines de morts. Alors, je confirme. Si on s'en tient au propos de Faure d'hier, c'est clair que Faure a dit que le Togo est en guerre, l'armée togolaise est en guerre contre sa population. Et donc, ils ont. Faure a envie ou bien a besoin d'un soutien militaire, alors la France va voler à son secours en lui fournissant des hélicos qui viendront aider les militaires à mater ses propres populations. C'est pourquoi je partage entièrement les propos de François en disant que cela sera vraiment du mépris au peuple togolais. Carrément. De la France. Et alors, la France doit rester sa copie et faire en sorte qu'elle ne puisse pas être complice de ce qui va arriver au peuple togolais. Exactement. Par rapport à la barbarie qui se prépare. D'accord. D'accord. Eh bien, Moussa Issoufou, on revient comme un petit peu sur le cas très inquiétant au nord du Togo, Mango, Kara, Sokoliba, Filo. Alors, il y a intimidation, répression dans ces villes. Alors, pensez-vous que la population de Kara ou de Bafilo peut-elle sortir de cette situation? Oui, Amos, moi, je pense que avec la détermination qu'on voit à Bafilo surtout et à Kara, je pense que tôt ou tard, les populations là manifesteront dans les villes là, parce que vous voyez Bafilo, malgré tout ce qui s'est passé à Bafilo les 6-7 septembre, les populations de Bafilo étaient encore là, pas plus que le 7 novembre, elles étaient présentes et elles avaient été dispersées, c'est tout. Sinon, les jeunes qui avaient même qui étaient recherchés étaient sur place. Bravant toutes ces intimidations-là, et ils étaient là prêts pour marcher. N'eût été la dispersion, que les marches auraient eu lieu dans ces localités-là. Donc moi, je pense qu'avec un peuple déterminé, rien ne peut le résister. Et donc, ces populations, tôt ou tard, n'est-ce pas, vu cette détermination, marcheront et cela se passera dans peu de temps. En tout cas, merci beaucoup. Et Moussa Issoufou, et je voudrais que nous marquions une pause, hein, le temps est de continuer cet entretien et que vous avez voulu nous accorder dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et vous qui nous suivez sur le 3fw.canalk.ch, Radio Avleté, la voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté, Radio Deniba, nous marquons une pause et nous revenons tout de suite. Oh, et l'olé. Soso gloso zando, elole, a big beto, wana ne mulo, soso gloso. Depuis plus de deux mois, le peuple togolais manifeste et réclame le retour à la condition de 1992 ou le départ pur et simple de Fona Singbe. Mardi, mercredi, jeudi dernier, ils étaient des milliers dans les rues de Lomé à Nehoa, Fanyak, Palimé, Vougan, répondant ainsi à l'appel de la coalition de 14 partis de l'opposition. Mais à Sokoli et Bafilo, deux villes au nord du Togo, la foule a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. S'en sont suivies également des répressions sanglantes et engendré des blessés. Pourquoi disperser les manifestants dans ces deux villes du nord du Togo alors que le gouvernement togolais levait il y a quelques jours l'interdiction de manifester en semaine? Pourquoi tant de répression lors des manifestations dans les villes du nord? Comment expliquer l'état de siège avec une forte présence de militaires à Sokoli? À mes auditeurs, nous en discutons avec nos invités qui sont en ligne depuis la France et depuis les États-Unis. François Fabrega, depuis la France, il est directeur de communication CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. Et Moussa Issifou, il est coordinateur de SEMAFO Togo. SEMAFO Togo est membre de la SEMA de coordination et des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Nous les retrouvons tout de suite. J'espère qu'ils sont toujours en ligne avec nous. François Fabrega, vous êtes toujours là, hein? Oui, toujours là, Sylvain. Merci beaucoup de votre disponibilité. Eh bien, François Fabrega, la crise togolaise s'aggrave et interpelle la communauté internationale. Et là, d'abord, la CEDEAO, dont fait partie le Togo, et Fona Singbe est l'actuel président d'exercice. La CEDEAO, par la voix de Alassane Ouattara, le président ivoirien, propose que les réformes réclamées passent alors par voie de négociation. Mais au Togo, François Fabrega, vous connaissez très bien le Togo. On rappelle à nos auditeurs que vous avez fait au moins 6 ans au Togo. Au Togo, on a déjà connu près de 25 initiatives de dialogue et par le passé, et la crise demeure. Votre lecture de la situation sur ce dialogue, François Fabrega. Alors, Sylvain, je dirais que votre question contient en elle-même sa réponse. Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, hein, est-ce que l'on peut sincèrement attendre en 2017 de la part du RPT Unir et de Fona Singbe? Que peut-on attendre sincèrement de leur part? Vous l'avez dit vous-même, après 25 dialogues par le passé, nous en sommes toujours au même point. Et non seulement, comme vous le dites très justement, la crise demeure, mais je rajouterai aujourd'hui qu'elle s'exacerbe très gravement et surtout qu'elle prend une mauvaise tournure. Car en effet, quand jour après jour, la liste des morts et des blessés ne cesse de s'allonger, et des exilés, je rajouterai, c'est que nous sommes sur une très mauvaise pente, et bien malin, celui qui aujourd'hui peut en prédire l'issue. Et surtout, plus la liste des victimes va s'allonger, et plus les possibilités d'une véritable négociation, à mon avis, à mes yeux, s'amenuisent. Par ailleurs, je voudrais insister sur la question de la sémantique employée. Il y a effectivement une différence qui n'est pas anodine entre dialogue et négociation. Si Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, ne l'oublions pas là aussi, dans les valises de la force licorne de Sarkozy et avec la bénédiction de l'ONU, à l'issue d'un processus politique pour le moins bancal, propose de négocier, c'est que lui se situe déjà très au-delà de la question du dialogue. Avec Fona Singbe et le RPT Unir, on peut dialoguer à l'infini, hein, ad vitam aeternam, en buvant le soda bio au besoin, hein, ensemble, et en parlant de tout et de rien, sans jamais parvenir à avancer. Vous l'avez rappelé, 25 dialogues pour rien, sinon pour maintenir le statu quo. Car aujourd'hui, à mes yeux, l'heure n'est plus au dialogue. Fournia Singbe et le RPT Unir ont de ce point de vue laissé passer leur chance. En François Fabrega, vous dites que l'heure n'est plus au dialogue, mais l'opposition, disons la coalition, est prête à aller au dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Si on ne peut pas dialoguer, il y a quoi comme solution, François Fabrega? Non, moi c'est pas dialogue. C'est quoi? Moi je prends au mot la proposition de Ouattara, c'est pas dialoguer qu'il faut faire avec ce pouvoir, c'est négocier. C'est négocier les conditions du retour à la Constitution de 92 et les conditions du départ de Forna Singbe. Ça s'appelle de la négociation. C'est plus du dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parce que négocier, mais quoi? Je viens de le dire. Hein, parce que Fornia Singbe et le RPT Unir, s'ils sont prêts à entraîner la coalition des forces politiques d'alternance dans une série d'entretiens pour faire durer le temps à leur avantage, et sont-ils prêts, à votre avis, pour parvenir à un accord, pour conclure une solution politique crédible et surtout mettre fin aux différends qui les opposent à l'immense majorité du peuple togolais aujourd'hui? Alors, moi, sans faire de procès d'intention préalable, le moins que l'on puisse constater au vu de leurs agissements et de leurs pratiques antérieures, RPT et AFOR, c'est que depuis 12 ans qu'il est au pouvoir maintenant, la confiance s'est singulièrement émoussée. Je dis bien la confiance. Si d'ailleurs, il y a pu y avoir un jour confiance entre le peuple du Togo et un pouvoir dynastique dont la caractéristique essentielle est d'avoir toujours renié ses engagements. En clair, en 2017, Fornia Singbe, qui a laissé passer tant d'occasions, est-il en mesure de négocier quoi que ce soit? Alors, par ailleurs, j'insiste bien à l'intention de nos amis sur le terrain là-bas. À la différence, et qu'ils se battent pied à pied, comme le faisait remarquer Moussa tout à l'heure, à la différence de tout ce qui s'est fait antérieurement, si négociation il doit y avoir, c'est à Lomé qu'elle doit se dérouler et aucunement dans une quelconque capitale étrangère en Afrique de l'Ouest ou ailleurs. D'accord. Pourquoi Lomé? Cette question me paraît en effet essentielle et cruciale. Tout simplement parce que si la négociation se déroule à Lomé, elle va se faire sous les yeux du peuple togolais qui n'a besoin d'aucun intermédiaire international. Et que ce peuple togolais puisse surveiller en temps réel l'avancée des négociations qui ont lieu en son nom, et le cas échéant, pouvoir rappeler à ses représentants qui iront négocier, en direct et sans filtre déformant, de quelque nature que ce soit, ce justement pourquoi ces représentants ont été mandatés. En conséquence, en l'absence de négociation, maintien du plus haut niveau de mobilisation. Mais négocier à Lomé est à mes yeux crucial et capital. Je dis bien négocier et pas dialoguer. D'accord. Voilà. On va relancer cette question de dialogue. Là, on va relancer Moussa Issifou. Vous avez suivi tout à l'heure François Fabrega sur la question de dialogue. Alors, François Fabrega pense que s'il faut dialoguer, c'est au Togo à Lomé qu'il faut le faire et non dans son pays de la sous-région ouest-africaine, notamment de la CEDEAO. Quelle est votre réaction, Moussa Issifou? Allô, Moussa? Allô? Ah. Moussa, ici, vous êtes avec nous ou bien vous n'êtes plus là? Bon, on ne l'attend pas, François Fabrega, Moussa, ici, faut. Alors, moi, je vais vous relancer encore sur le rôle que joue la communauté internationale. Donc, alors là, on l'a vu, sous pression international. Donc, le gouvernement togolais avait levé l'interdiction de manifester en semaine. Ça, on l'a vu. Alors, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, demande encore de négocier, d'aller encore au dialogue. Mais quand on revient un petit peu au niveau de l'Union européenne, notamment parlant de la France, la France, c'est l'ancien colon du Togo. Alors, la France, tout à l'heure, la France s'apprête à vendre ses hélicoptères au Togo. Alors, peut-on dire que la communauté internationale est en train de rouler dans la farine le peuple togolais, peut-on le dire? Mais justement, vous avez raison d'insister là-dessus, Sylvain. C'est une excellente question que vous posez. Elle traite de la question de fond essentiellement. Moi, si j'ai une chose à dire à tous les amis que j'ai au Togo, à ces centaines de milliers, à ces millions de gens qui se battent et qui continuent de se battre avec détermination, n'attendez pas grand-chose de la communauté internationale. Pourquoi je dis ça? Alors, il peut y avoir des grandes voix de la communauté internationale qui se lèvent pour soutenir la lutte du peuple togolais ou du moins exiger qu'elle se passe dans les meilleures conditions, cette lutte. mais ces voix-là ne seront certainement pas celles des dirigeants de la communauté internationale. Donc, moi je dis au peuple togolais et à tous les Togolais qui se battent, d'abord, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors, vous pouvez compter sur les relais de la diaspora, par exemple, de l'excellent travail que fait la diaspora togolaise indépendante aujourd'hui. Je dis bien la diaspora togolaise indépendante aujourd'hui. La diaspora fait un travail remarquable à l'extérieur, justement, pour attirer l'attention, pour attirer l'attention et développer non seulement un sentiment de sympathie, mais de la solidarité active avec le peuple du Togo. Moi, sincèrement, la manifestation qui s'est déroulée à Paris le 30 octobre, si mes souvenirs sont exacts, c'est du jamais vu pour une manifestation européenne de la diaspora togolaise au niveau de l'importance. Mais François Fabrega, l'Élysée n'a pas répondu face à ces milliers de Togolais qui ont manifesté à Paris. Vous savez ce que disait De Gaulle, hein? Allez-y. De Gaulle, il disait, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. D'accord? Eh bien, tous les présidents de la République du monde entier, ils n'ont pas d'amis. Quand ils sont au pouvoir, ils ont des intérêts. La France a encore des intérêts au Togo, comme ont des intérêts ailleurs les États-Unis et bien d'autres pays, l'Allemagne et l'ensemble des pays qui composent la communauté internationale. Je parle des grands pays qui pèsent économiquement et qui ont de l'influence. Donc, je veux dire que là-dessus, attendre quoi que ce soit de positif. Macron, à mes yeux, à part un petit communiqué du ministère des Affaires étrangères de deux phrases, je ne sais pas si vous êtes au courant, le ministère des Affaires étrangères français a fait une recommandation il y a environ trois semaines là-dessus en disant qu'il fallait que ce soit le dialogue. D'accord, ok. Jamais il y a eu une condamnation des violences et tout ça. Et quand on sait... Je parle bien des violences du pouvoir et des forces armées, puisqu'il y a des preuves aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent et on voit comment ces gens la font. Donc il n'y a pas besoin d'interroger une commission d'enquête, les vidéos elles parlent d'elles-mêmes. D'accord, aujourd'hui on n'est pas 50 ans en arrière où il fallait attendre la confirmation d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui c'est en direct que ça se produit sous les yeux. Donc moi j'ai jamais vu une condamnation du président français de ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Donc c'est pour ça que je dis, alors je n'ai pas vu davantage de condamnations de la part de Trump, des États-Unis. Je n'ai pas vu davantage de condamnations de la part d'Angela Merkel, l'Allemagne, qui est aussi, ne l'oublions pas, le premier colonisateur du Togo avant que la France ne prenne le relais à l'issue des accords au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, je n'ai pas entendu ces gens-là, je n'ai pas entendu d'autres dirigeants européens, et encore moins de la Commission européenne, de l'Union européenne, intervenir aujourd'hui pour donner ne serait-ce que leur opinion, ni du Parlement européen, je rajoute, ne serait-ce que pour donner leur opinion sur et faire une analyse de ce qui se passe au Togo. C'est d'accord. Pour ça que je répète encore une fois, devant cette force d'inertie qui semble s'installer, je pense que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur un quelconque soutien des autres. D'accord. Parce que, de vous à moi, le chef d'État étranger, c'est mon analyse, Sylvain, elle n'engage que moi, mais si le chef d'État étranger qui sera capable de dire à Fornia Singbe, maintenant ça suffit, tu as assez fait, il faut que tu envisages, au moins que tu arrêtes les violences ou que tu partes, il n'est pas encore né, Voilà. Tout à fait. En tout cas, nos confrères du journal Alternative l'ont écrit il y a quelques jours à Lomé au Togo, titre à la une. Fornia Singbe ne veut pas quitter le pouvoir. Je pense que notre ami Moussa Issifou nous a encore rejoint depuis Caroline du Nord. Moussa Issifou, vous êtes là? Très bien. Oui, je suis là. D'accord. Suis là. Avant de relancer François Fabregard sur une question de nos nombreux auditeurs branchés sur nos radios partenaires également, si nous avons quand même ouvert la ligne, donc vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de Togolais qui veulent poser une question au Français François Fabrega, parce que je reçois beaucoup de messages sur notre page Facebook, mais je vais quand même soumettre une des questions de nos auditeurs tout à l'heure. Alors, Moussa Issifou, tout à l'heure, François Fabrega, répondant à nos questions sur le dialogue, disait que si dialogue il doit y avoir, ce ne serait pas en dehors du Togo, ça doit être à Lomé. Votre réaction, Moussa Issifou? Non, moi, je pense que il faut que ce dialogue-là se fasse devant le peuple togolais qui réclame. Bravo, je suis d'accord avec vous. À la Constitution de 1992. Alors, le problème, c'est au Togo, et le dialogue doit se faire là, devant le peuple. Et alors, quitte au peuple de dire oui, nous sommes d'accord par rapport à la direction que prend le dialogue ou pas. Et là, on saura ce qu'il faut faire. Donc, aller se cacher ailleurs pour un dialogue, venir livrer des résultats, moi, je ne pense pas que ce sera la bonne méthode. D'accord. Alors, il faut que ça se fasse à Lomé devant tout le monde. Mmh. Et je précise que ce dialogue doit se faire en présence de Faure. Faure doit être aussi à la table parce que c'est lui seul qui détient tout ce qui se passe, qui comprend tout ce qui se passe. Le reste, les gens qui se promènent autour pour faire des déclarations contradictoires chaque jour ne maîtrisent rien. Faure doit être à la table des négociations et dire clairement aux Togolais où est-ce qu'il veut amener le Togo, c'est tout. Bravo, je partage complètement votre opinion, Moussa. D'accord, d'accord. Eh bien, François Frabega, je vais vous relancer sur la question, bien, le rôle que joue la communauté internationale. Là, j'ai eu pas mal de questions. Il y a un auditeur qui dit, alors, bravo, François Frabega, vous avez décrit, ce que vit le Togo. On sent que vous êtes presque togolais, vous. Et, vous nous avez impressionné, c'est ce que dit l'auditeur. Alors, mais il dit, voilà que vous êtes français. La France s'apprête à vendre ses hélicoptères, au gouvernement togolais. Est-ce qu'on tend encore vers des milliers de morts qui seront tués au Togo? Alors, que dit alors le peuple français? C'est sa question. Bah, vous connaissez, Sylvain, vous connaissez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Hein? Malheureusement, je vais vous donner un exemple simple. Mmh. Hein? Vous avez trois morts. Hein, dans un attentat aux États-Unis, je parle de la France là. Hein, vous allez avoir pendant une semaine, vous allez avoir les sites d'information qui vont vous en parler pendant une semaine. Le même jour, vous aviez 300 morts en Éthiopie ou au Soudan, je ne me souviens plus. Hein, excusez-moi, mais il y a eu un attentat très sanglant qui a fait 300 morts. Ça a fait exactement 10 secondes dans le journal télévisé. Vous voyez, je vais vous dire, le niveau de compassion, il est égal. Alors, et malheureusement, il faudrait effectivement qu'il y ait encore plus de victimes et l'équivalent de ce qui s'est passé en 2005 pour que peut-être la communauté s'émeuve. Donc, c'est là où intervient le travail des diasporas, justement, dans les réseaux d'influence, pour faire connaître une situation que la majorité aujourd'hui du peuple français ne connaît pas, parce que il ne peut pas compter sur les grands moyens d'information pour lui parler de la situation au Togo. Il va compter sur les relais que nous constituons et qui nous faisons diffuser l'information dans les endroits qui comptent au niveau de l'influence et de l'opinion. Voilà comment les choses se passent. Aujourd'hui, personne n'est sensibilisé, à part quelques personnes, évidemment, et les gens de la diaspora, personne n'est sensibilisé à la situation que vit le Togo. Alors moi, je dis pas qu'il faut qu'il y ait des morts, surtout pas, c'est pas mon truc. Mais ce que je veux dire, et insister encore une fois, c'est sur le rôle positif des diasporas, et notamment de la diaspora togolaise indépendante qui s'est démarquée de ce pouvoir qui nous écrase depuis tant d'années, et là, faire le travail de relais, d'opinion, et de diffusion de l'information en temps réel. Moi, c'est ce que je fais. Dès que vous m'envoyez, Sylvain, une information par WhatsApp, je la diffuse immédiatement. Et quand j'en reçois d'autres, je vous les diffuse, et ainsi de suite. Il faut faire ce travail. Et c'est comme ça que nous sensibiliserons les opinions. Tout voilà. À fait. Eh bien, Moussa Issoufou, la diaspora... Et la mobilisation au niveau de la diaspora ne faiblit pas, je le dis, cet après-midi, ici même en Suisse, la communauté togolaise en Suisse a manifesté à Berne. Berne, c'est la capitale, c'est la capitale administrative de la Suisse. Donc, à Paris, on l'a fait, à Washington, un peu partout dans le monde entier. Le peuple togolais de la diaspora est debout. Et doit-on dire, que malgré toutes ces mobilisations au pays, tout comme ici dans la diaspora, n'est pas visible pour que la communauté internationale réagisse et sur la situation politique au Togo, Moussa Issoufou? Je pense que on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y a pas encore une cette communauté internationale. Il y a, je pense que ça, Ils sont en train de toujours à prendre du temps, mais ça finira par arriver. Moi, je suis optimiste parce que nous allons intensifier cette mobilisation et cette campagne de sensibilisation et d'information. Nous allons l'intensifier. Aux États-Unis, ici, nous sommes en train de convaincre nos amis de la diaspora d'organiser des manifestations dans presque toutes les villes des États-Unis. C'est des milliers de villes. Et la diaspora togolaise se trouve un peu partout. Nous voulons que toutes les villes de l'Amérique soient couvertes des manifestations de la diaspora togolaise. C'est ce que nous entendons faire à partir de maintenant. Alors, moi, je pense que vous voyez, dans certaines de nos manifestations, il y a d'Américains qui se joignent à nous, qui font même des vidéos indépendantes pour nous soutenir. Alors, moi, je pense que nous sommes en train d'arriver et cela arrivera un jour. Il faut maintenir le cap et être optimiste. D'accord. On va relancer François Frabrega. Je reçois beaucoup de questions, mais je ne peux pas toutes les soumettre, hein, parce que il nous reste encore une vingtaine de minutes, donc je vais quand même résumer les questions, hein, on va les regrouper tout de suite, hein. Alors François Frabrega, donc il y a certains observateurs, selon les questions que m'envoient des auditeurs, hein, alors certains observateurs, hein, sur le plan international surtout, estiment, hein, bien disent que l'eau et l'opposition et le peuple, hein, sont dans l'illégalité, hein, de demander et la démission de Faure Gnassingbé, puisque Faure Gnassingbé, selon ses observateurs internationaux, Faure Gnassingbé est élu, que Faure Gnassingbé doit rester jusqu'à la fin de son mandat. Quelle est votre réaction? Excusez-moi Sylvain, j'ai mal entendu la question parce que j'avais le jingle de l'émission en même temps et je ne comprenais pas ce que vous me disiez. Pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît? Oui, je peux répéter la question. Donc, je disais que des observateurs sur le plan international, hein, disent ou estiment que et l'opposition, le peuple, sont dans l'illégalité de demander la démission de Faure Gnassingbé, puisque Faure Gnassingbé est élu. Donc, on doit attendre, quelle que soit la crise, on doit attendre la fin de son mandat en 2020. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est simple. Qui est dans l'illégalité? Ceux qui réclament la démission de Faure Gnassingbé, hein, ou ceux qui ont usurpé, hein, ceux qui ont fait un coup d'État en 2005, qui ont modifié la Constitution avant 2005, qui ont modifié la Constitution de 92 pour permettre à son père, à Faure Gnassingbé, de pouvoir se présenter éternellement, hein, ou à ceux qui ont fait le coup d'État en 2005, parce que les gens là qui me parlent de l'égalité, ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte, ces gens-là. Moi, je vais leur rappeler, puisque j'étais au Togo en 2005, comment les choses se sont passées. Allez-y. Quand Iyadema est décédé, hein, dans l'avion qui le conduisait en Israël pour y recevoir des soins, hein, et qu'ils ont fait demi-tour au-dessus de la Tunisie, hein. Le lendemain même, les gens des forces armées se sont réunis et ils ont investi Faure Gnassingbé. D'accord? Ils ont fait un coup d'État, ces gens-là. D'accord? Ils ont fait un coup d'État, ils ont empêché Natcheba, qui était président de l'Assemblée nationale, de rentrer au Togo en le bloquant au Bénin pour l'empêcher d'assurer l'intérim de la présidence de la République et organiser des élections. Ils ont fait un coup d'État. Et c'est parce que là, à ce moment-là, effectivement, la communauté internationale s'est un peu mobilisée, mais il n'y avait pas les mêmes chefs d'État, hein, au pouvoir que ceux d'aujourd'hui, hein. Eh bien, qu'ils sont revenus en arrière et qu'ils ont organisé les élections, hein, du mois d'avril 2005 dans les conditions que l'on sait, avec les résultats dramatiques qui s'en sont suivis après. Alors, ceux qui viennent aujourd'hui nous parler de l'égalité, hein, il ferait mieux de balayer devant leur porte, hein, et la légalité, il faut savoir où elle se situe. D'accord? Si la Constitution de 1992 n'avait pas été, je vais pas dire tripatouillée, avait fait l'objet d'un coup d'État institutionnel, hein, à l'époque, Faure Gnassingbé ne serait déjà plus au pouvoir et on réclamerait pas son départ, d'accord? Il aurait fini ses deux mandats, il serait parti depuis 2015. Hein, voilà ce que j'ai à répondre à ces gens qui parlent de la légalité, hein, ou de l'illégalité de demander la démission de Faure Gnassingbé. Voilà. D'accord. Et j'espère que ma réponse a été claire, parce que il y a des gens à qui il faut faire des rappels historiques, parce que la mémoire s'efface vite. Hein. D'accord. On va voir ce que pense Moussa Issoufou, puisque lui est togolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Non, moi je pense que ceux qui sont en train de parler de l'égalité ou de l'illégalité sont en train de montrer à quel point ils sont aussi complices du malheur du peuple togolais, avec tout ce que François vient de décrire. Ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait déjà. Et il a rappelé clairement les conditions dans lesquelles Faure est arrivé au pouvoir, et devant cette communauté internationale. Et d'ailleurs, c'est elle qui a accompagné cela, puisque elle a prescrit des accords pour pouvoir décrisper la crise, et que Faure n'a jamais respecté. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, je voudrais tout simplement dire que la demande formulée par le peuple togolais, c'est plutôt elle qui est légale, puisque cette demande s'insurge contre l'outrage. Elle s'insurge contre 50 années d'injustice. C'est elle qui est plutôt légale, puisque c'est elle qui respecte, n'est-ce pas, les lois universelles. C'est ça. Moussa Issoufou, je voudrais vous relancer également sur une question très, très inquiétante ou très touchante. Alors, jusque-là, on voit que les partis politiques au devant de cette lutte, voilà, il y a le front Togo Debout qui vient d'être constitué, mais on sent pas tellement la société civile togolaise prendre le devant de cette lutte. C'est inquiétant, selon beaucoup d'observateurs nationaux et même au niveau international. Alors là, quel rôle joue la société civile au Togo, même au niveau de la diaspora, Moussa Issoufou? Ouais, Amos, bon, je n'ai pas tout entendu, mais je crois savoir que tu poses la question par rapport au rôle de la société civile. Tout à fait, tout à fait. Qu'on ne sent pas assez au devant de cette lutte. Oui, bon, disons qu'au Togo, vous savez, le régime a toujours su, n'est-ce pas, à créer des conditions pour qu'au Togo, on ne puisse pas avoir une société civile digne de ce nom. Et moi, je vous donne un exemple. La fois passée, lorsqu'on a publié la liste de la CENI, où on s'est rendu compte qu'il y a une dame qui a été présentée comme membre représentante de la société civile. Et au même moment, on a retrouvé cette dame-là avec en tenue d'unir, avec un micro, en train de chanter les éloges d'unir RPT. Donc, vous voyez, il y a au Togo actuellement, la vraie société civile n'est pas reconnue. Elle est négligée, et si bien que celle qu'on nous présente devant, c'est celle-là qui est cooptée par le régime, en train de faire ce qu'il faut. Maintenant, vous avez vu les organisations de la société civile vraies. Elles sont maintenant, elles font l'objet d'acharnement et d'appellement. Il y a le mouvement Nubuki. Ce groupe-là est membre de notre société civile vraie, qu'on reconnaît. Mais où se trouve ce groupe-là? Ils sont en train de les décapiter. Ils ont arrêté ces leaders. Ils sont en train de les accuser de tout. Et c'est dommage, Amos. Dommage. Donc, pour le moment, la société civile vraie, légitime, légale, est en train d'être, bayonnée. C'est ça. Donc, lorsqu'on vous parle de la société civile au Togo, et qui va faire des déclarations, c'est celle-là qui est inféodée, par le régime, c'est tout. D'accord. Et maintenant, dans la diaspora... Au niveau de la diaspora. On arrive quand même à nous mettre... C'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de cette manipulation du régime. Justement, nous avons pratiquement encore 14 minutes. Une question directe, réponse directe. Vous êtes membre, CEMAF, vous êtes coordinateur de CEMAF, CEMAF est membre de la CEMAF, de coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Que fait concrètement la CEMAF face à cette crise au Togo? Oui, Amos, parce que CEMAD a beaucoup fait depuis le début de la crise, au niveau même aux côtés des manifestants. CEMAD a été, disons, vraiment présente, cette coordination, à travers des actions concrètes. Et tout le monde a vu depuis les manifestations, nous envoyer ou bien nos représentants sur le terrain. Et ont accompagné les manifestants à travers la distribution d'eau, beaucoup d'aide, ça et là, et même dans les villes comme Bafilo ou à Sokoudé, il y a eu beaucoup de déplacés et beaucoup de blessés. CEMAD, à travers ses membres comme CEMAF Togo et autres, JSFA, et ont pu quand même financièrement apporter de l'aide à ces populations-là, ne serait-ce que pour les aider à se faire soigner. Et donc, je pense que notre organisation, CEMAD, est en train de jouer son rôle et nous encourageons toutes les autres organisations de la société civile dans la diaspora à d'en faire autant, parce que c'est le rôle qu'on peut jouer. Et notre apport devient maintenant nécessaire, parce que le peuple togolais compte sur nous et nous ne devons pas le décevoir. Tout à fait. Alors, François Frobega, vous qui avez vécu au Togo pendant au moins 6 années, et sûrement que vous avez approché également la société civile au Togo, mais on ne sent pas la société civile togolaise au devant de cette lutte. Et quelle est votre réaction là-dessus? Sur la société civile, je viens d'entendre la réaction de Moussa. Je la partage complètement. Je vais rajouter quelque chose à ce que vient de dire Moussa. C'est pour ça que nous essayons, chaque fois que nous faisons une analyse de la situation, de distinguer les choses. Il en va de la société civile de la même manière que de la diaspora. C'est pour ça que j'ai parlé à plusieurs reprises tout à l'heure de diaspora togolaise indépendante. Indépendante, on est bien d'accord, et que nous faisons aussi, nous n'oublions jamais de dire qu'il y a une diaspora togolaise alignée sur le régime de Faure Gnassingbé, d'accord ? Ouais. Eh bien, pareil, de la même manière pour la société civile, vous avez une société civile indépendante, hein, et vous avez aussi une société civile alignée. Ce qu'a décrit Moussa avec une très grande clarté. Vous savez comment on appelait ça du temps des Yadema? Comment ça s'appelait? Ça s'appelait les ailes marchandes du RPT. C'est-à-dire les types qui... Oui, les ailes marchandes, c'était des gens qui étaient à côté, mais qui faisaient le boulot pour ramasser du monde, vous voyez. On appelait ça les ailes... Ça n'a pas changé. C'est des satellites du RPT, ni plus ni moins, et vous en aurez. Mais à partir du moment où ces gens-là, vous les mettez à l'épreuve du feu, c'est-à-dire, quand je dis les mettre à l'épreuve du feu, c'est à l'épreuve des réalités concrètes, quand vous commencez à leur demander des actes concrets, vous les voyez fuir, et puis là, parce que, effectivement, comme c'est des gens qui souvent sont monnayés, il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là, parce que c'est une réalité. Vous savez que ce pouvoir, il a un pouvoir de nuisance terrible, le pouvoir RPT Unir. Il n'hésite pas à utiliser des sommes d'argent pour ramener des gens à leur cause, c'est bien connu. Pour qui a été au Togo, on en a été témoin. Donc, et on en est encore témoin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que sur la société civile, il faut savoir, dirions-nous pour employer une phrase un peu plus savante, savoir distinguer le bon grain de l'ivraie. Mais ça, je vous dis, c'est facile, parce que quand on met ces gens-là au pied du mur et à l'épreuve du feu, ils s'en vont comme une volée de moineaux. Il n'y a pas de souci. D'accord. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien que vous avez voulu et bien nous accorder dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Moussa Issoufou, vous êtes togolais de la diaspora Carolée du Nord. Plus de 2 mois de manifestation avec une forte mobilisation et de la diaspora au pays. Mais le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a bougé d'un iota. Et Faure Gnassingbé a encore renouvelé sa confiance à l'armée togolaise. Faure Gnassingbé n'a pas dénoncé ces répressions, mais plutôt dit qu'ils vont poursuivre les enquêtes pour arrêter les commanditaires, ceux qui ont tué les militaires lors des dernières manifestations, surtout à Sokodé. Alors, le peuple togolais, peut-on dire que ce peuple est dans une résistance? Et jusqu'à quand, Moussa Issoufou? Votre dernier mot. Disons, la musique a fait que je ne sais pas, le son a fait que je n'ai pas entendu, mais le dernier mot que j'ai à l'endroit du peuple togolais, c'est simple, c'est un message d'encouragement et un message de résistance. Et je voulais dire au peuple togolais qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la phase de résistance. Et que je voulais dire que cette résistance est nécessaire parce qu'elle est noble, tout simplement parce qu'elle s'insurge et s'oppose à l'arbitraire perpétuel qu'impose le RPT uni au peuple togolais. Et donc, nous sommes en train de mener cette résistance et nous voulons que le peuple togolais sache que la diaspora togolaise, en tout cas la diaspora togolaise indépendante, qui est consciente de la nécessité de libérer ce pays sera du côté de ce peuple-là et jusqu'à la victoire finale. Moi, je dis à mon peuple que je suis optimiste par rapport à l'aboutissement de cette lutte. Alors, on ne doit plus rien négliger. Nous devons avancer ensemble et notre victoire sera concrétisée. Donc, je suis confiant et je veux que la diaspora et le peuple togolais, tous ensemble, nous ayons cet optimisme-là et que nous puissions, n'est-ce pas, redoubler d'efforts pour finir, pour conclure cette lutte-là qui a trop duré. Pour conclure et finir cette lutte qui a trop duré, c'est votre mot dans cette émission. Mot de fin, Moussa Issifo, je rappelle que vous êtes le coordinateur de SEMAFO Togo. SEMAFO Togo est membre de la SEMA de coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Caroline du Nord. François Frabega, contre vents et marées, le pouvoir de Fonia Sibé avance tout doucement vers un référendum puisqu'ils ont installé la CENI. Alors, dira-t-on que la caravane, le chien aboie, la caravane passe, c'est le dicton. Et que direz-vous pour conclure ce débat sur la situation sociopolitique au Togo et qui devient très, très alarmante? François Frabega. Oui, oui, Sylvain. Alors, vous avez raison. Le dicton dit que les chiens aboient et les caravanes passent. Moi, ce que je voudrais dire aux Togolais, aux millions de Togolais qui sont en lutte aujourd'hui de manière déterminée, de Togolais au Togo et dans la diaspora, parce que la diaspora se bat et il y a une diaspora indépendante qui se bat. Ce que je voulais leur dire, c'est que ils sont peut-être en vue de la ligne d'arrivée du marathon démocratique, je dis bien du marathon démocratique qu'ils ont commencé en 2010, je dis bien en 2010, lors de la première élection de Fornia Singbe. Eh bien, peut-être qu'ils sont au bout de ce marathon démocratique et qu'ils voient la ligne d'arrivée est en vue ce coup-ci, parce que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions aujourd'hui. Alors, le mot de résistance qu'a employé Moussa est très important. Et c'est bien d'une résistance marathon, hein, pour amalgamer les deux termes, c'est bien d'une résistance marathon à laquelle nous sommes aujourd'hui, en face de laquelle nous sommes aujourd'hui. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas intimider, prenez les dispositions pour éviter la soldatesque de Fornia Singbe autant que vous pouvez le faire et abritez-vous, mais continuez cette bataille démocratique que vous menez parce que vous êtes la fierté de l'Afrique, hein, vous êtes la fierté de l'Afrique de l'Ouest et vous arriverez à vos fins. Je partage le même optimisme que Moussa et je pense que nous ne sommes peut-être pas loin d'un dénouement et d'une issue favorable. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais saluer Moussa, je voulais vous saluer Sylvain, vous remercier de nous avoir invités à ce dialogue et à ce débat et saluer tous les amis au Togo et qu'ils soient assurés de notre détermination et que pas un jour ne passe, pas une heure et pas une minute ne passe sans que nous assurions le relais pour faire savoir et populariser la lutte qu'ils mènent. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci également à François Fabrega, directeur de communication du collectif pour la vérité des unes, CVU Togo Diaspora. Et on le disait, vous avez vécu au moins 6 années au Togo. Merci de nous avoir accompagnés également dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et pour tous les peuples togolais, comme l'ont dit tout à l'heure, tous nos invités, le peuple togolais est en résistance, alors rejoignez-nous sur votre radio de résistance, Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais. Rediffusion donc demain dimanche à 13h sur cette radio de résistance. Merci également à nos radios partenaires FM Liberté Radio d'Enigma. Merci à vous, peuple africain, peuple combattant togolais, vous qui nous avez suivis pendant presque 2 heures de loge. Merci et la résistance continue. Et pour tout le peuple togolais africain, retenez encore cette citation de feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la blanchir. Seule la lutte libère. » Novio, à vous l'été, à samedi prochain. Bonsoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Soso glosso zando, elole. Soso glosso zando, elole. A big battle, So, so, glow, so, mi bea, y los amigos.